France Inter, franceinter.com. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est l'équivalent d'un 11 septembre par jour. Ainsi parle Brian Wood, un responsable sur place d'Amnesty International. Et pourtant, qui s'intéresse vraiment à ce drame humain, sans comparaison ou presque, dans notre monde assommé par la crise financière et d'abord soucieux de sauvegarder ses privilèges? La République démocratique du Congo, ex-Zaïre, connaît donc sa troisième guerre civile en une décennie. Un conflit qui déchire en ce moment le Kivu, une province située à l'est du pays, c'est-à-dire dans une région limitrophe du Rwanda et de l'Ouganda, deux États qui n'ont jamais réellement dissimulé leur intérêt pour ce territoire où abondent les richesses naturelles, tant minières et même gazières et pétrolifères qu'agricoles ou forestières. Outre ces convoitises, il faut aussi souligner que la crise actuelle découle directement des événements tragiques qui se sont déroulés au Rwanda en 1994, un génocide qui a provoqué la mort d'au moins 800 000 Tutsis et qui a été suivi par d'autres massacres au Congo même. Au Kivu, on assiste donc à une sorte de répétition tragique de ces horreurs où, comme d'habitude, ce sont les civils qui paient le prix fort. Assassinats, viols, pillages, épidémies et bien sûr déplacements de populations qui fuient par dizaines de milliers et se réfugient tant bien que mal dans la jungle. Et ceci malgré la présence du plus gros contingent de casques bleus jamais mobilisé par l'ONU. Monsieur X, qui m'a souvent parlé du Congo, revient donc d'abord aux sources de ce drame dont on voit mal l'issue et qui ne semble guère préoccuper la communauté internationale. Le temps est si bref, je te jure, dans la peau d'un chef. Bissona Bisso, dans la famille, on a tout F. Bref, j'encaisse tout ce que j'entreprends vaut de l'or. On m'a nommé ministre du sport. Continuons à jouer au foot sur les pierres. Laissons la BR à la médecine et à nos grands-pères. Fier car esprit sportif règne sur les terrains. La corruption a fait de moi le ministre le plus malin. L'argent appelle l'argent. Le bénéf, moi j'encaisse. Laisse rien dans la caisse. Momo est copain d'un momo. Le temps est si bref que je suis dans la peau d'un chef. On m'a nommé, nommé. Je jure fidélité à ma patrie. Puis pour le développement de mon pays qui entrait dans la décadence. Faites-moi confiance, je jure de me bourrer la force. Monsieur le ministre, on vous confie un portefeuille. J'ai reculé d'un pas et là j'ai dit faut que je recueille. L'aménagement du territoire, changer vos paysages. On dort très bien dans nos villages, moi. L'argent appelle l'argent. Rien que du bénéfice, je laisse rien dans la caisse. Momo est convaincu à Momo. Le temps est si bref dans la peau d'un chien. Le rhinocéros, le boss, président chef des armées aimées. Malonga, Pamba, Passy, premier. Complice et ma famille, tant pis, on pille le pays. Le doyen qu'on respecte, ma milice coupe des têtes. Puis je négocie ce qui vaut sang. J'en dis, je prends le pognon. Garde rapproché, fétiche, peuple fauché. Faut te reprocher, ma démocratie a chier. Allez pour moi, t'as vu, bouge, que le peuple bouge. L'argent, appelle l'argent. Le bénéf, j'encaisse et je laisse rien dans la caisse. En bref, le temps est si bref dans la peau d'un chef. Benji à la tête du siège de la classe économique. J'organise, je répartis, je compte la thune, je gère le fric. Je suis le responsable des richesses du pays. Maintenant tu sais qui gère les entrées et les sorties. Non, j'oublie pas Tanti Thérèse et mon petit neveu Blaise. Que je mets à l'aise en règle congolaise. Tant qu'à faire, autant sortir mes frères de la demeure. Le temps passe vite dans la peau d'un chef, donc j'assure mes arrières. L'argent appelle l'argent. Le bénéf, j'encaisse, je laisse rien dans la caisse. Bongo est complètement bon. Et si bref, dans la peau d'un chef. Bon, je ne vais pas remonter trop loin, mais il faut d'abord dire que le long règne du maréchal président Mobutu, au moins jusqu'à la fin des années 80, a été pour le Zaïre une période de paix et de relative prospérité. Ah, en dépit des dérives de ce pouvoir autoritaire et corrompu. Bon, il est vrai que Mobutu n'a jamais fait vraiment la différence entre sa bourse et les caisses de l'État. Conséquence, malgré sa richesse potentielle et un calme tout relatif, le Zaïre s'appauvrit progressivement au fur et à mesure que le régime se délite. Toutefois,

Kigali réclame à corps et à cri le démantèlement de ces camps de réfugiés. Et si les Rwandais ne sont pas entendus, ils menacent d'aller faire eux-mêmes le ménage. Ah oui, ça veut dire intervenir directement en territoire zaïrois, ça. Mais il faut aussi ajouter, et c'est un autre facteur de déstabilisation, que ces Hutus vont parfois se conduire en terrain conquis. C'est-à-dire bon, certains se lancent dans l'exploitation et le trafic des matières premières qui font la richesse du Kivu. L'or est un minerai très précieux. Le coltan, qui est utilisé dans la fabrication de matériel électronique comme les téléphones portables et les consoles de jeux. Un minerai stratégique et très cher, car il est aussi employé par les industriels de l'armement. Et on y reviendra, car cette poussière grise qu'on ramasse un peu partout au Kivu, sans même avoir besoin de creuser, a joué un grand rôle dans les crises successives qu'a connues la région depuis le milieu des années 90. Mais, alors, d'après vous, quand même, la cause première des conflits à venir, c'est la question rwandaise. Bah, évidemment, car depuis, les deux Kivus n'ont plus jamais connu la paix. En tout cas, c'est dans ce terreau explosif que réapparaît un homme que tout le monde a oublié, un certain Laurent Désiré Kabila. Un homme oublié, dites-vous. Oui, car autrefois, dans les premières années de l'indépendance du Congo-Kinshasa, Kabila a eu une petite célébrité. Ce jeune Katangais a très vite pris le parti du premier ministre progressiste, Patrice Lumumba. Et quand ce dernier a été assassiné, il est parti en exil. Puis il est revenu dans son pays clandestinement et il est devenu chef d'une guérilla anti-Mobutu dans l'est du pays. C'est d'ailleurs au Maquis qu'il a fait la connaissance d'Ernesto Guevara, le Che qui aura d'ailleurs une piètre opinion du jeune maquisard. Pour quelle raison, hein? Bon, selon le leader castriste, Kabila est bien plus intéressé par les filles ou l'alcool que par la lutte armée. Ce n'est pas le seul. Et vous le savez sans doute, le Tché, dégoûté, renoncera à exporter la révolution au Congo et il regagnera vite l'Amérique du Sud. Ouais. Et Kabila, que devient-il, lui? Ah ben, il demeure dans le Maquis, il résistera aux troupes de Mobutu, au moins jusqu'au milieu des années 70. Et après avoir créé un parti révolutionnaire d'inspiration maoïste, il organise autour de lui, dans un secteur montagneux et désert, une sorte de phalanstère, une terre dite libre, où en fait tout le monde est à sa dévotion. Un gourou, quoi. Un tyranno, plutôt. Kabila n'est pas d'un tendre. Il faut lui obéir si on ne veut pas avoir de sérieux ennuis. Et déjà, perce en lui l'homme qui régnera avec la férocité qu'on sait sur la future République démocratique du Congo. Baila cuando la mai, sous escucha mi vida. Africa fiesta, yo son el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Baila cuando la mai, suya escucha mi vida. África fiesta, yo son el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Rendez-vous avec X. La question Tutsi et Hutu n'est pas nouvelle au Kivu. Ainsi, voici ce que je lis dans Géopolitique du Congo, un petit livre écrit par Marie-France Cros et François Missaire et publié par les éditions Complexes. Ces deux ethnies ont toujours été présentes au Kivu, soit parce que des régions aujourd'hui congolaises dépendaient avant la colonisation du royaume du Rwanda, soit parce que des sujets du roi du Rwanda y avaient trouvé un refuge contre les persécutions dont ils faisaient l'objet chez eux, comme les Banyamulenge arrivés sur les hauts plateaux du Sud Kivu au XVIIIe ou au XIXe siècle. D'autres furent déplacés en masse du Rwanda au Congo de manière organisée entre 1934 et 1955 par le colonisateur belge, désireux de fournir de bons agriculteurs aux grandes plantations des colons qui se heurtaient au sous-peuplement du Nord Kivu. Tous, devinrent congolais à l'indépendance. Des Tutsis rwandais émigrèrent encore au Kivu à chaque épisode de pogrom ethniste à leur encontre déclenché après l'indépendance de leur pays d'origine ou pour fuir la discrimination ethnique dont ils étaient victimes, accès restreint à l'école, à l'emploi et à un passeport. Des Hutus burundais firent de même en masse lors du génocide déclenché contre eux par le régime de Bujumbura en 1972, puis pour fuir la guerre civile en 1993 et 2003. En outre, tout au long des années Mobutu, durant lesquelles le Zaïre fut un pays relativement prospère, une importante émigration économique a encore grossi le nombre des uns et des autres au Kivu, avec d'autant plus d'aisance que ce dernier ressemble à leur pays d'origine, une succession de montagnes d'un vert émeraude, un air plus sain à basse altitude, une agriculture commune, des langues proches, des traditions de pouvoir royal équilibrées par de subtils contre-pouvoirs. Le temps est si bref dans la peau d'un chef. Après cet épisode communautaire, Kabila se fait oublier. Que devient-il alors? Bon, il semble bien qu'il ait renoncé à la lutte politique, au moins temporairement. Et il fait deux affaires. Kabila achète et vend de l'or, des pierres précieuses, mais aussi des pointes d'ivoire. On lui prête aussi des intérêts dans des établissements un peu louches. Mais je ne peux pas être affirmatif car Kabila a toujours refusé de parler de son passé et rares sont les témoins. Par contre, ce qui semble plus avéré, c'est que Kabila s'est beaucoup déplacé. Dans les pays voisins, mais aussi en Chine. La Chine, dont il était, sans me souvenir, là, un fervent admirateur. Et il faut souligner que lorsqu'il sera président, sa seule visite d'État sera justement pour la Chine. Mais avançons. Il réapparaît donc politiquement, je veux dire, en 1996. Comment alors ? Kabila l'a toujours nié, mais ce sont les Rwandais qui sont allés le chercher. À l'époque, l'homme fort du Rwanda, le général Kagame, veut en finir avec les camps de réfugiés hutus installés de l'autre côté de la frontière avec le Zaïre. Parce qu'il sait très bien que, à l'abri de cette population misérable, les anciens responsables du génocide sont en train de reconstituer une véritable armée. Oui, alors une armée qui pourrait tenter de chasser les Tutsis de Kigali. En outre, je suis persuadé que Kagame entend profiter de la déliquescence du régime de Mobutu pour annexer tout ou partie de la région du Kivu. Oui, où vivent déjà de nombreux Tutsis. Oui, oui. Et s'il n'annexe pas, il compte bien au moins exploiter les richesses du Kivu à son profit. Seulement, si l'armée rwandaise intervient directement au Kivu, Kigali sera accusé d'agression contre son voisin zaïrois. Oui, forcément. Oui, par conséquent, il faut habiller un peu l'opération, d'où l'idée de faire appel à l'ancien guerriero Kabila. Ouais. Il ne s'agira plus d'une invasion, mais d'une guerre civile. Et donc d'une affaire interne purement zaïroise. C'est une fiction. Évidemment. Car qui va armer et équiper les combattants sinon le Rwanda? Le Rwanda qui ira même jusqu'à incorporer nombre de ses soldats dans la future armée de Kabila. J'ajoute, mais après tout ce que je vous ai dit précédemment, ça ne vous étonnera pas que les États-Unis ne sont nullement hostiles à ce projet. Bien au contraire. Mais est-ce que ça signifie qu'ils l'ont encouragé? Oh, certainement. Avant d'agir, Kagame a pris soin de faire une petite visite à Washington. Et les soldats de Kabila seront payés avec des dollars bien neufs. Mmh. Les Américains pensent donc qu'ils ont trouvé en Kabila le successeur de Mobutu. Enfin, oui. Le possible successeur. Oui, oui, un homme qui les laissera ensuite agir à leur guise au Congo. Car ils ont des projets pour le pays. Expliquez. Les Américains se sont toujours beaucoup intéressés au Congo. Il ne faut pas oublier que l'uranium des premières bombes atomiques américaines provenait du Congo. Et puis avant 1990, il y avait des raisons plus politiques. En tout cas, l'instabilité grandissante du Zaïre du maréchal Mobutu inquiétait beaucoup Washington. Et certains stratèges proches de la Maison-Blanche avait songé que la solution idéale consistait à démembrer ce trop grand pays dont les frontières avaient été dessinées par le colonisateur belge. Ah, tu sais quoi, c'est créer plusieurs petits Congos? Non, non, mais attribuer certains territoires à des pays voisins, comme le Kivu, par exemple, qui serait donné au Rwanda. Mais remarquez-le bien, ce qui s'est passé ensuite avec l'intervention au Congo même de tous ses voisins ressemblait à la mise en œuvre du projet américain. Ouais, un projet, alors au fond, qui avait pour finalité d'exploiter au mieux les richesses du pays. Bien entendu. Kagame, président rwandais, sait-il, lui, que le vrai dessein des Américains est de trouver un remplaçant à Mobutu? Sans doute. Enfin, il s'en moque. Ce qu'il veut, lui, c'est d'abord en finir avec les Hutus de la frontière et s'approprier une partie du territoire zaïrois. Toutefois, il va bien vite déchanter. Enfin, n'allons pas trop vite. Avant de passer à l'offensive, on poursuit le maquillage. Kabila crée un mouvement, l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, et il s'allie avec quelques autres Aérois. Toujours pour donner le change. Oui. Qui alors, comme allié, là? Oui, presque naturellement, Kabila recrute des hommes chez les Tutsis qui vivent au Zaïre. Puis il fait appel à ses vieilles connaissances du temps de la guérilla. Il rassemble également autour de lui des familiers et des gens de son ethnie. Ensuite, et c'est une nouvelle preuve de l'implication américaine, des Congolais exilés aux États-Unis le rejoignent. Et il y a enfin dans son armée de jeunes maquisards qui opèrent sur la frontière ougandaise contre les troupes de Mobutu. Est-ce que ça veut dire que l'Ouganda aussi va soutenir Kabila? Oui, oui. À l'époque, Rwanda et Ouganda sont très liés. C'est en Ouganda que Kagame a organisé et entraîné la troupe qui lui a permis de prendre le pouvoir à Kigali. En outre, ce puissant voisin du Zaïre nourrit lui aussi des ambitions territoriales et économiques. Il a un alibi tout trouvé pour intervenir. La présence de rebelles ougandais sur le sol congolais dans la région de l'Ituri, au nord du Kivu. On y repérera même plus tard des membres de la sinistre et sanguinaire armée du seigneur de Joseph Kony, dont nous avons déjà parlé il y a quelques années. Tout à fait. Une remarque avant d'aller plus loin, là. Cette armée de Kabila me paraît bien hétéroclite. C'est sûr, mais en face d'elle, elle va rencontrer des soldats aérois démoralisés qui ne pensent qu'à piller et violer et non pas à se battre. Remarquez bien, ça n'a guère changé aujourd'hui. En effet, mais nous allons y venir. Les forces armées congolaises se débandent dès que l'armée du général rebelle Nkunda les attaque. Oui, ça, c'est en ce moment. Et elle se venge forcément sur la population. Alors quand Kabila passe-t-il à l'action? En octobre 1996. Et comme prévu, ce sont d'abord les camps des réfugiés Hutus qui sont attaqués. Et malgré l'habillage congolais, personne ne s'y trompe. C'est bien l'armée rwandaise qui est le fer de lance de l'opération. Une opération qui provoque la fuite de dizaines de milliers de réfugiés. Une deuxième fuite, donc. Oui, hein. Oui. Et aussi des massacres à grande échelle. Hein. Il ne pouvait pas en être autrement. Les Rwandais sont entrés au Zaïre pour régler à leur façon le problème Hutu. Ils sont donc impitoyables et se livrent à une véritable boucherie. Avec la complicité de Kabila, donc. Certainement. Ils ne pouvaient pas l'ignorer, même si ce sont surtout les soldats rwandais qui sont les plus impliqués dans ces massacres. Les Rwandais et les Tutsis aérois. Et la guerre elle-même Étant donné le peu de résistance qu'elle rencontre, les forces rebelles conquièrent assez vite les principales cités du Kivu. Et les Rwandais se payent en procédant à un pillage systématique. Mais ce qui compte, c'est l'émergence progressive de Laurent Désiré Kabila. L'émergence politique? Il parade, prononce des discours, s'adresse à la presse. De plus en plus, il apparaît comme étant non seulement le numéro un de ce mouvement de rébellion, mais aussi un candidat sérieux à la succession de Mobutu. Et la population, alors? Elle subit, comme d'habitude. Mais la jeunesse, elle, s'enthousiasme. Et Kabila recrute. Dans un pays ruiné où il n'y a pas de travail, ce n'est guère difficile, car les soldats sont payés. Et ce sont toujours les Américains qui paient? Pas toujours. Kabila, qui est un homme d'affaires, organise la collecte de fonds et crée un impôt de guerre. Mais qui va le payer? Les industriels et les investisseurs étrangers. Mais vous m'avez dit que le pays était ruiné. C'est vrai, mais il dispose toujours de ressources considérables. Et dès que l'Alliance est bien installée dans le Kivu et que la région est sécurisée, ils sont nombreux à se précipiter et à signer des contrats d'exploitation avec le nouveau pouvoir. Et en vertu du nouveau système d'imposition mis au point par Kabila, ils payent d'importantes contributions au trésor de guerre de l'Alliance. Ça veut dire que Kabila inspire confiance, alors? Et je vous le disais, il prend une autre dimension. Au départ, il est clair qu'il n'est qu'une marionnette dans les mains des Rwandais, mais bientôt il s'émancipe. Et à Kigali, ça ne plaît pas. Ah oui, à Kigali, au Rwanda, mais pourquoi alors? Parce qu'il se révèle nationaliste et signifie clairement aux dirigeants rwandais qu'il n'est pas question qu'ils annexent purement et simplement le Kivu. Au fond, quoi, c'est une sorte de nouveau Lumumba? Et surtout un homme qui entend que soient respectées les frontières de son pays. Ce pays qu'il va maintenant conquérir en seulement quelques mois. Fulaini,

Est-ce que l'intervention de ces deux nouveaux États africains ne complique pas une situation qui est déjà fort complexe, hein? Vous avez raison, car l'Angola et le Zimbabwe entendent aussi recevoir leur part du gâteau. Ce qu'ils obtiendront? Bien entendu. Surtout le Zimbabwe, avec lequel Kabila va signer de très importants contrats commerciaux. Le cas de l'Angola est un peu différent. L'intervention de l'armée angolaise avait d'abord pour objectif de lutter contre l'UNITA de Jonas Savimbi, qui sévissait aussi au sud du Congo, où il avait parfois trouvé refuge. Le mouvement rebelle angolais. Oui, je vous propose de parler bientôt de ce personnage qui a longtemps été l'un des chouchous de la France. Savimbi, hein. Oui, un homme qu'on ne manquera certainement pas d'évoquer au procès de l'Angola Gate, qui s'est récemment ouvert à Paris. Ouais. On en reparlera. Et la communauté internationale, hein, L'ONU a essayé d'imposer un cessez-le-feu dès le début des hostilités, en vain. Plus sérieusement, un an plus tard, l'Organisation des Nations Unies a réussi à réunir à Lusaka la plupart des belligérants. Et un accord a été difficilement conclu. Que prévoyait-il, hein? D'abord, l'envoi de casques bleus, 3000. C'est peu, non? C'est même ridicule à l'échelle d'un pays aussi grand et où la guerre fait des rages un peu partout. Ensuite, il a été décidé que les armées étrangères devaient se retirer du Congo dans un délai maximum.